Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui. Pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes sampiagues devant la cheminée. Vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que Père Noël se pointerait, hein, à savoir. Alors il est bienvenu, mais manque de bol, dis donc. Avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les quiboles et s'est vautré dans la cheminée. Il s'est rétamé la gueule par terre sur ma belle moquette en parpaing. Il avait de la suie et des molaires, le Père Noël est un crétin. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Tu avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du Parti Socialiste. M'a carrément amené peau de balle, n'avait pas dû recevoir ma lettre. J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette. Dans le canapé s'est écroulé pour se piquer la ruche à la nisette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo. Dès que le pinard l'a fait pareil, le Père Noël est un poivreau. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une quête au carré. Il était bourré comme un polac, le mec, dis donc. Il a fait un boucan d'enfer. Il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons vulgaires. Il a ravagé mes plantations, toute ma récolte d'herbes de Provence. Veuillez me passer l'expression, il a germé dessus. Quelle élégance! Il s'est barré vers 5 plombes du mat avec mes bottes, mon blouson, tout ça. Il m'a chouravé aussi ma gratte. Il m'a juste laissé le boxon. Gonflé le mec, hein. Heureusement que ma femme était pas là, je vais te dire heureusement, parce qu'il serait barré avec, hein, il serait pas gêné. Je veux plus jamais le voir chez moi, le Père Noël, c'est un pauvre mec. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite et bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Petit Papa Noël, toi qui es descendu du ciel, retourne-y vite et bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Allez, casse-toi. Arrache-toi de là. Parce que d'abord, je te signale que t'es même pas un vrai Père Noël. T'es un vrai cambrioleur, oui. Père Noël noir, t'as déjà vu ça? Ça existe même pas. Dieu est noir, Père Noël, il est normal. Non, non, les bottes, non. Non, le blouson, oui, mais les bottes, non. Non, je vais appeler la police, hein. S'il vous plaît. Non, sortez, je fais pas les coups. Comment? Présentement. Il n'y a pas de comment présentement. Si tu veux, vieux... J'estime que bon, tu n'as pas... Comment? Non. Je dis pas que les bottes, bon, les bottes, je les file, si tu veux. Mais le blouson, non. Si, aussi. Bon, d'accord. Ok, les bottes et le blouson. Ma femme? Oui, elle est là. Oui, tu veux la voir? Dominique! Il y a un mec, je veux te voir.